J'étais un cheval de mine, j'étais un cheval docile, j'étais un cheval aveugle, j'étais celui que tout le monde engueule, j'étais privé de lumière, j'étais privé d'atmosphère, jamais. Toujours.